groupe, il a acheté son billet. Et il y a pensé toute la semaine. N'attendez pas de frapper un mur. Faites-vous vacciner. Le passeport vaccinal est maintenant exigé pour fréquenter certains lieux publics. Un message du gouvernement du Québec. Bonsoir et bienvenue à l'aérospatiale. Myriam Leland au micro, comme à chaque semaine. Mais cette semaine, petite émission qu'on avait hâte d'avoir pour la saison. Annie Charland-Thibaudeau est avec moi. Bonsoir, Annie. Bonsoir. Donc, Annie, nouvelle co-animation avec moi. Très heureuse que tu sois là ce soir et pour le reste de la saison. Oui. Donc, vous êtes bien sûr sur les ondes de CKRL 89.1 et vous écoutez l'Aérospatiale, magazine sur les arts visuels et multidisciplinaires à Québec. Ce soir, on a un gros menu, Annie. Qui est-ce qu'on reçoit à l'émission? Oui, donc en début d'émission, en fait, on a une entrevue avec Dany Massicotte qui sera avec nous pour nous parler de son exposition « Débris cosmiques, un récit sur l'univers » qui ouvre ce jeudi le 7 octobre. Ensuite, on reçoit Elisabeth Girard-Dionne pour une chronique sur l'exposition « A Tree Fell on It » de Graham Patterson, qui est présentée à la Galerie 3. Et puis, on termine le tout avec une entrevue Zoom avec Giorgia Volpe, qui sera avec nous pour nous parler de son œuvre dans le cadre des passages insolites. Oui, donc beau menu. Et comme chaque semaine, Simon Roy nous a sélectionné de la musique. Donc cette semaine, c'est l'œuvre de Cristóbal Tapia de Verre qui a composé la trame musicale, la trame sonore pour la série HBO The White Lotus. Donc Juan Cristóbal Tapia de Verre est connu sous le nom de Cristo aussi. C'est un multi-instrumentiste qui est basé à Montréal, donc artiste montréalais ce soir. Donc on se laisse déjà avec une piste qui s'intitule Aloha, et au retour de cette pause musicale, on reçoit l'artiste Dany Massicotte pour une entrevue. Re-bienvenue à l'aérospatiale. Myriam Leland, toujours au micro, accompagnée d'Annie Charland-Thibaudeau à la co-animation. Et qu'est-ce qu'on a pour ce segment-ci, Annie? Dani Mascotte, qui est avec nous pour nous parler de l'exposition, donc, comme je vous le mentionnais plus tôt, Débris cosmiques, un récit sur l'univers. Donc, ce sera présenté tout bientôt là, dans les ateliers de la maîtrise à l'Université de Laval. Donc, bienvenue avec nous, Dani. Merci beaucoup. Donc, si tu veux commencer, en fait, je te laisserai nous expliquer ton projet. Oui, dans le fond, mon projet, c'est un récit sur la genèse de l'univers. Donc, c'est à partir d'un ensemble de 8 sculptures cinétiques que je réinterprète ma vision de la création de l'univers. Donc, du Big Bang en passant par la formation des galaxies, des systèmes solaires jusqu'à l'évaporation du dernier trou noir. J'ai réalisé, lors des 2 dernières années de ma maîtrise, cet ensemble de sculptures cinétiques. Oui, donc c'est un travail de longue haleine. Là. C'est tout le filon des 2 dernières années qui a mené à ce qu'on va pouvoir découvrir dans 2 jours. Exactement. Et puis, ces sculptures-là aussi, il y a une autre partie à l'œuvre. Il y a la partie installation des sculptures et aussi une présentation vidéo. Donc, le but était de faire, à partir de ces sculptures-là, un film, plan-séquence, sans montage, sans édition, que les sculptures allaient être filmées et présenter là aussi également comme l'œuvre se divise en 2, donc une présentation vidéo et une installation sculpturale. Puis toi, donc Dani, tu es finissant à la maîtrise, puis comme tu dis, c'est le travail des dernières années, cette exposition-là. Est-ce que ta pratique a changé beaucoup à la maîtrise? Est-ce que c'est ça qui t'a permis d'aller dans ce filon-là ou c'est quelque chose que tu explorais déjà avant? Je dirais que ma démarche s'est peaufinée avec la maîtrise, mais ça continue un filon, même que... la partie de l'univers que j'ai créée pour mon projet de maîtrise se rattache à une œuvre que j'avais faite au bac, à l'AUREA, en art visuel aussi à l'Université Laval. Donc, par contre, ça a poussé un peu plus loin ma démarche et mes intentions là, artistiques. Oui, puis en fait, moi, il y a quelque chose qui m'intéressait, c'est que dans le titre, en fait, de ton exposition, il y a le mot « récit », puis on a aussi des jalons clairs, en fait, dans la description de projet. Tu nous parles d'un voyage, donc, du Big Bang jusqu'à l'évaporation du dernier trou noir. Donc, je serais intéressée à connaître, en fait, la place que prend la narrativité dans ta pratique. Oui, ben premièrement, j'ai beaucoup été influencé par le cinéma pour la création de mes œuvres. Alors... au lieu de façonner une histoire concrète, si on veut, je prends des faits saillants, ceux qui m'interpellent le plus dans la genèse de l'univers, et puis je les place les uns à la suite des autres. C'est pas nécessairement non plus une logique, donc c'est aussi au spectateur de faire sa propre histoire, son propre récit, à partir des images qui lui sont présentées, des sculptures qu'il voit. Et il y a aussi beaucoup une question d'échelle qui peut apporter au récit, donc de voir la vidéo, de voir les sculptures, de voir l'échelle des sculptures par rapport entre elles. Si, par exemple, il y a une sculpture qui représente un système solaire et juste à côté, une galaxie, bon, déjà dans... le jeu d'échelle, le système solaire se retrouve dans la galaxie. Donc, il y a aussi cette question-là qui est très intéressante dans l'exposition, de voir les différents jeux d'échelle présentés. Oui, puis c'est intéressant que tu en parles parce que c'est autre chose que j'avais remarqué dans la description de projet. Puis aussi, tu nous avais partagé une vidéo où on voyait des extraits, en fait, là, de ce qui sera ouvert au public là, dès le 7. Mais il y a quelque chose dans le fait d'interpréter le récit de l'univers à une échelle humaine, dans une certaine mesure, pour ce qui est de la sculpture en soi, là, donc tant dans la taille de l'installation cinétique que dans la durée du récit, on est dans quelque chose dont on fait l'expérience du début à la fin. Ça crée justement un jeu d'échelle qui nous invite à une rare immersion, comme une rare sortie hors de l'univers. Oui, effectivement. Ça nous permet une perspective en fait dans laquelle pour un moment en fait il y a des limites puis il y a des contours clairs à l'ensemble de tout ce qui existe Puis on nous dévoile, en fait, dans une certaine mesure, c'est ce que j'en comprends, aussi les rouages, puis même la mécanique derrière l'insondable, parce qu'on voit la construction des sculptures cinétiques aussi. Oui, exact. On voit un peu comme le décor et l'envers du décor en même temps. Et puis, c'est ce qui est intéressant dans le fait d'avoir comme fabriqué, machiné cette œuvre-là, qui est beaucoup... qui se situe beaucoup entre le bricolage et l'ingénierie. Donc, je voulais vraiment qu'il y ait un côté spontané. Et puis, exemple, les billes vont représenter des planètes. J'ai pris une ampoule pour le soleil. Donc, c'était important pour moi de jouer avec ça un peu, le côté qu'est-ce qu'on peut voir qui nous entoure, qui nous fait penser à des phénomènes intergalactiques. Et puis, les rouages, oui, c'est une partie aussi que, au fur et à mesure que je construisais l'œuvre, que je me demandais est-ce que j'allais les laisser présents ou les cacher. Oui. Et puis, je suis bien content de la tournure que l'œuvre a prise. Et puis, ça m'a aussi surpris moi-même là, en la faisant, dans le sens de je la découvrais au fur et à mesure. Oui, puis en même temps, justement, ce jeu-là avec l'échelle humaine, ça me donne envie de t'entendre sur la place que tu accordes à l'expérience du public ou au parcours du public à travers les œuvres, parce que dans la façon dont tu le décris, c'est qu'on a l'occasion, oui, de voir le vidéo, mais aussi de faire l'expérience donc de l'objet près de nous. Qu'est-ce que le parcours du public autour de l'œuvre vient nous offrir, en fait? Ben, c'est comme ça, si on veut, que je pense mes œuvres. Alors, c'est à partir, si on veut, je me mets à la place du spectateur. J'imagine comment moi, je voudrais la découvrir. Et puis, j'y vais à partir de là. C'est comme une intuition. Et oui. D'ailleurs, ça se peut que je réajuste l'œuvre par rapport aux réactions du public là, que je vais voir pendant les jours de l'exposition. J'ai déjà eu des commentaires là, par rapport à les gens qui ont vu l'œuvre en cours de production. Et moi, j'étais tellement dans la création de cette œuvre-là que finalement, là, je crois que c'est le spectateur qui va me la faire redécouvrir, là, comment qu'il la voit, car moi, je sais plus trop là, ce que je vois. Je veux dire, je la vois, mais... À force d'être dedans, on finit par plus se rendre compte de tous ces petits détails-là. C'est comme quand on écrit un texte ou justement quand on travaille sur une œuvre pendant très longtemps. Je crois qu'il y a ce phénomène-là qui se passe. On la voit plus vraiment tellement on en est proche. Exact. Donc, j'ai vraiment hâte de voir la réaction du public là, à l'œuvre. Et puis, je peux pas trop en dire. Je veux pas révéler punch, mais c'est vraiment une expérience qui se vit sur place. Et c'est le jeu d'échelle, la relation 1-1 avec le public et l'œuvre est très important pour moi. Et puis, j'espère que mes intentions vont fonctionner par rapport à ce que je présente. Oui, puis en fait, est-ce que tu auras l'occasion donc d'interagir avec les visiteurs durant la durée, parce qu'en fait, c'est ouvert pour 10 jours. Est-ce que tu auras l'occasion d'entrer en contact avec les gens qui font l'expérience de l'exposition? Oui, je vais être sur place. Dans le fond, c'est moi qui vais surveiller l'exposition là, jusqu'au 17 octobre. Donc, justement, on rappelle, ça se déroule, c'est disponible aux ateliers de la maîtrise de l'Université Laval. Donc, c'est au 336 rue Sainte-Hélène. Le vernissage est ce jeudi, le 7 octobre. Puis, c'est ouvert jusqu'au 17 octobre de midi à 18h. Donc, merci beaucoup, Dany Massicotte, d'avoir été avec nous pour cette belle entrevue, de nous parler de ton très beau projet aussi. Bienvenue, merci à vous pour l'invitation. Ça fait plaisir. Donc, on se laisse pour une autre pause musicale, toujours avec la musique de Cristobal Tapia de Verre, avec la piste qui s'intitule Pineapple Suite. Et au retour de cette pause musicale, on retrouve Elisabeth Girard-Dionne pour sa deuxième chronique déjà, qui porte sur une des expositions disponibles à la Galerie 3. Ici Paul Carniello. Vous êtes en train d'écouter. Rebienvenue à l'aérospatiale. Myriam Leland, toujours au micro, accompagnée de ma co-animatrice Annie Charland-Thibaudeau. Et en studio, je suis accompagnée d'Élisabeth Girard-Dionne. Bonsoir, Élisabeth. Bonsoir. Merci d'être avec nous pour ta chronique ce soir. Et tu nous fais la chronique sur quoi ce soir? Je vais vous parler de l'expo A Tree Fell on It de Graham Patterson qui est à la Galerie 3 jusqu'au 10 octobre. Mm-hmm. Donc, c'est la troisième expo de Patterson à la Galerie 3. C'est un artiste multidisciplinaire, c'est un musicien qui est surtout connu pour son travail de maquette, là, puis qui est dans un questionnement de par rapport à la charge émotive des lieux, par rapport à comment on s'inscrit dans nos lieux, comment ils nous influencent. Donc, son travail est vraiment marqué par un aspect émotionnel, bouleversant, déroutant parfois, là. Oui, c'est vrai. Ouais, fait que c'est ça aussi qui était marquant dans les autres expos à la Galerie 3. Puis, A Tree Fell on It, ça fait pas de différence là pour cet aspect-là. Donc plus spécifiquement là, c'est inspiré d'un événement qui lui est arrivé à lui personnellement dans sa vie là. Ce qui est arrivé, c'est que il y a quelques années, il y a un arbre de 60 ans qui est tombé sur sa maison au Nouveau-Brunswick en pleine nuit. Puis ça a complètement changé son rapport à sa maison là. Ça a créé un genre de malaise. Dans un article du Soleil, là, on en parle plus spécifiquement, là, la journaliste le cite et il dit « Les pièces devenaient abstraites, les objets devenaient plus grands ou plus petits qu'ils sont en réalité, toujours changeants, comme si je me trouvais dans une guerre psychologique menée dans ma propre maison avec moi-même. » Donc, c'est un peu ce sentiment-là de malaise là, par rapport à sa propre maison qui est traité dans l'exposition. Mm-hmm. C'est une exposition qui est très personnelle aussi parce qu'on va le voir, il traite du lieu de sa maison de manière vraiment concrète, là, à travers deux reproductions de sa maison. La première, c'est une maquette. Là. Mm-hmm. On sait qu'il a beaucoup travaillé la maquette par le passé aussi. Donc, c'est la maquette de sa maison avec toutes les pièces. Oui, c'est ça. C'est une reproduction exacte. Exact. Ouais. Oui, c'est à l'échelle 1/10. Là, fait que c'est vrai de vrai. On peut pas plus rentrer dans son univers. Là. Puis, on regarde à l'intérieur de la maison, à travers les fenêtres, à travers les portes. Puis, on y retrouve différents personnages. Là. Donc, il y a un homme oiseau qui est un étourneau, là. L'étourneau, c'est une figure qui revient souvent dans son œuvre. Oui, c'est ça. Ben, dans cette exposition-là, particulièrement, ça revient régulièrement. Là, il y a même un mannequin grandeur nature qui porte le costume, justement, de l'étourneau. Là. Oui, c'est vrai. Puis dans cette expo-là, spécifiquement, c'est pas toujours le cas, là, mais pour celle-là, le personnage d'homme oiseau, c'est vraiment un alter ego de l'artiste, là. Puis, il y a même une mise en abîme dans la maquette, puis dans l'autre reproduction dont je vais parler plus tard, là, qui on le voit qui se filme en train de faire un vidéo qui se retrouve à d'autres endroits dans l'exposition, là. Donc, on le voit dans sa maison en train de se filmer pour l'exposition qu'on est en train de voir, là. Fait que c'est un peu méta, mais ça nous, ça nous montre d'autant plus que on est vraiment dans l'univers créatif de l'artiste aussi, là. Fait que c'est vraiment, vraiment personnel, là. Oui. Puis sinon, il y a aussi un petit renard, là, qu'on retrouve dans la maquette un petit peu partout, puis qui est une référence à la nature, en fait, là, dans toute cette réflexion-là de notre rapport à l'environnement, mm-hmm. puis au lieu qu'on habite, là. Oui, bien, surtout avec des événements naturels comme ça qui viennent perturber notre quotidien, comme un arbre qui tombe sur notre maison, justement. Il y a vraiment le côté traumatique, mais il y a aussi toute cette grandeur-là de la nature qui déchaîne sa force sur les constructions humaines. Donc, c'est vraiment une réflexion qui est présente dans absolument. L'exposition. Oui, oui, oui. Puis, c'est ça, exactement, pour les deux personnages, là. Puis là, je parlais qu'il y avait comme une deuxième reproduction de sa maison. Cette deuxième reproduction-là est faite en réalité virtuelle, là. Fait que le spectateur est amené à mettre un casque de réalité virtuelle puis à se promener dans la maison à l'aide d'une manette, là. Fait que c'est vraiment une expérience immersive, là, qu'on va vivre, là. Donc, c'est ça, on se promène dans la maison qui est vraiment construite... comme la vraie maison de Graham Patterson, là, les pièces sont aux mêmes endroits, les escaliers, les portes, tout ça. Puis on rentre dans les pièces une après l'autre, puis on rencontre les deux personnages dont j'ai parlé plus tôt, mais on se retrouve aussi parfois dans des espaces un peu étranges, un peu surréels, un peu abstraits, qui d'une certaine manière traduisent aussi le malaise que Graham Patterson a éprouvé par rapport à sa propre maison là. Mm-hmm. C'est que par exemple on ouvre une porte à un moment puis on se retrouve dans un espace qui est complètement noir, qui est infini, puis il y a le personnage de Les Tourneaux là qui danse sur de la musique qui est composée par l'artiste là. Fait que c'est comme entraînant parce que t'es au milieu de plein de monde qui danse, mais en même temps c'est un peu malaisant puis... parce que t'es dans une galerie, puis c'est le principe que c'est sa maison, il nous partage une partie, oui, de son intimité à travers cette exposition là. Puis plus de manière plus évidente encore là, il y a une autre pièce où on peut rentrer, puis c'est une grande forêt infinie avec de la musique un petit peu étrange, encore une fois composée par l'artiste là. Puis il y a le personnage de Les Tourneaux qui est comme caché à quelque part, puis tu sais, moi j'essayais de m'en rapprocher, mais une fois que je suis comme arrivée à rejoindre le personnage, ben je trouvais plus la porte pour m'en aller de cette pièce là. Fait que c'est vraiment malaisant, puis c'est vraiment spécial comme expérience là, finalement. Oui, c'est ça, il y a comme une tension un peu dramatique là. Déjà la musique qu'il a composée, Annie et moi, on a été la visiter l'exposition, oui, oui, lors du vernissage, puis je mentionnais à Annie que je trouvais que la musique me faisait penser à la trame sonore de la série Twin Peaks, ouais, de David Lynch. Oui, donc oui, vraiment ce genre de tension mystérieuse là, de tout semble normal mais en même temps il y a un feeling, ouais, bizarre. C'est très Alice au pays des merveilles aussi, oui, là. Un peu, tu sais, on est appelé à se promener, on sait pas trop où on s'en va, on sait pas trop où on va arriver. Fait que un peu de tout ça en même temps. En même temps, tu sais, il y a un côté plaisant, il y a un côté drôle dans tout ça aussi là. Sinon, je peux parler rapidement aussi du reste de l'exposition là. Il y a plusieurs sculptures cinétiques avec des aspects audiovisuels aussi qui sont associés à elles, puis qui sont dans le fond des représentations de ces espaces-là qui sont plus abstraits là. Mm-hmm. Fait que il y a la maquette qui représente comme la maison comme telle qui existe pour vrai, oui, qui est comme au centre de l'espace. Exact. Là. On peut pas la manquer. Non, c'est ça. C'est quand même gros là, c'est l'échelle 1-10 là, fait que c'est quand même une grosse maquette là. Puis il y a ces autres sculptures là qui représentent les aspects les plus abstraits de la réalité virtuelle là. Donc il y a vraiment un lien entre les techniques, puis un lien entre ce qu'on retrouve physiquement puis tangiblement dans la galerie, puis ce qu'on retrouve dans notre visite en réalité virtuelle là. Fait qu'il y a toute cette réflexion là du lien entre la technologie, du lien entre la vraie vie aussi là, mm-hmm, qui est vraiment intéressante là. Ouais. Puis est-ce que t'as eu une œuvre qui est coup de cœur là, que t'as vraiment adoré dès que tu l'as vue? Ben pour moi j'ai un peu visité la pièce, la salle d'expo avant de faire l'expérience de la réalité virtuelle. Puis je comprenais pas trop ce que je voyais finalement, puis tout s'est assemblé par après. Fait que c'est difficile un petit peu d'expliquer laquelle serait la plus marquante sans pouvoir y associer l'endroit que je comprends, où on était dans la réalité virtuelle là, finalement. Mm-hmm. Là, fait que tout est en lien. Mais c'est ça, puis cette expo-là, c'est aussi vraiment un questionnement sur la charge émotive des lieux là. Puis à une autre expo que Graham Patterson avait faite, c'était une reproduction en maquette de sa maison d'enfance. Mm-hmm. Fait que ça s'inscrit bien en continuité avec le reste de sa pratique. Ouais. Mm-hmm. Puis d'une autre manière aussi, c'est ça questionne aussi tout notre rapport à la technologie. Oui. Puis c'est super intéressant parce que c'est dans la même pièce qui est présentée Matière et Cranique là, dont vous avez parlé. Oui, c'est ça, avec Camille Bernard Gravel qui a collaboré avec Joanne Barreau-Lantaigne justement sur cette exposition là. Exactement. Ben merci beaucoup, Elisabeth Gérardienne, pour cette fabuleuse deuxième chronique. Donc, on répète un peu les informations sur cette exposition-là. Le titre est « A Tree Fell on It ». C'est présenté à la Galerie 3 sur la rue Saint-Vallier-Est, et ce jusqu'au 10 octobre. Donc, il reste pas beaucoup de temps pour aller la voir. Nous, on se laisse pour une pause publicitaire, et au retour de la pause, on fait une entrevue avec Georgia Volpé, artiste de Québec qu'on aime beaucoup. Depuis toujours, les infirmières prennent soin des patients avec cœur et dévouement. Aujourd'hui, c'est à notre tour de prendre soin de ces professionnels en valorisant leurs compétences et en assurant rapidement un meilleur équilibre entre travail et vie familiale. C'est également l'occasion pour les personnes qui ont quitté le réseau public de revenir prêter main forte avec de meilleures conditions. Plus que jamais, nous avons besoin d'elles pour améliorer la vie des patients. Pour en connaître davantage sur notre plan d'action, rendez-vous à québec.ca/infirmières. Un message du gouvernement du Québec. Le Bal du Lézard, un incontournable depuis plus de 30 ans. Une ambiance sympathique, une clientèle éclectique et une programmation culturelle variée. Venez découvrir notre sélection de microbrasseries locales et québécoises à prix d'amis. En plus, le baby-foot est gratuit tous les jours. Surveillez notre page Facebook pour les événements à venir. Ne manquez plus jamais de café à la maison. Inscrivez-vous dès maintenant au service d'abonnement Mon Café de Café Barista Micro-Torréfacteur pour recevoir chaque mois votre café livré directement à votre porte. En plus d'obtenir automatiquement 15% de rabais sur vos commandes de café. Pour plus d'informations et pour vous abonner, rendez-vous au cafébarista.ca. L'action ne manque pas au cinéma Le Clap Sainte-Foy et de Loretteville. Surveillez les nouveautés, les classiques et les films québécois. Présentement à l'affiche. Ciné Voyage présente Inde du Sud, Confiné, La Famille Adams 2, Halloween, La Nuit des Masques. L'Opéra National de Paris présente Faust, Les Cinq Criminels de Newark, Titane et Venom. Ça va être un carnage. Consultez la programmation en cours sur leclap.ca. Bon cinéma! Spatial. On est maintenant en compagnie de Georgia Volpé, qui est avec nous pour discuter de sa pièce « Les valises », qui est présentée dans le cadre de la 8e édition du parcours d'art public « Passage insolite », qui est conçu par Exmuro et la Ville de Québec. Donc, le parcours, en fait, il est ouvert au public depuis le 26 juin dernier, mais nous la recevons ce soir parce qu'il ne vous reste que quelques jours pour faire la tournée des œuvres extérieures qui habitent les quartiers historiques de la Ville de Québec. Bonsoir, Georgia. Bonsoir, Annie. Comment vas-tu? Ça va bien. Oui, ben merci beaucoup de te joindre à nous ce soir. Ben j'aimerais mettre un petit contexte, en fait, avant de te lancer là, sur la description de l'œuvre, puis te poser quelques questions. Mais en fait, l'œuvre publique que tu nous proposes dans le cadre de cette édition-ci de Passage insolite, c'est une œuvre qui est morcelée, qui s'offre à nous un peu comme une rencontre hasardeuse. Donc, on découvre dans la ville une série de valises en béton qui, un peu comme annoncé dans la description de l'œuvre sur le site de l'événement, qui semble avoir été déposée au passage, puis oubliée, égarée ou volontairement cédée par leur porteur. Donc, on décèle en fait rapidement des procédés qui sont caractéristiques de ta pratique, qu'on connaît bien, donc comme le recours aux objets du quotidien, ici dans toute leur charge affective, ou encore dans la notion de transition, dans l'idée des états transitoires. Donc, dans un premier temps, en fait, j'aimerais t'inviter à nous parler davantage du projet, mais aussi de ton point d'entrée pour concevoir l'œuvre Les Valises. D'accord. Alors, vous m'entendez bien? Oui, très bien. Donc, oui, c'est un projet très spontané parce que c'était une première fois que je m'associe avec Exmuro pour une présentation dans un contexte à Montréal qui était un contexte sur l'immigration. Oui. L'événement s'appelait l'immigration, en fait. C'était conçu par ATSA. J'ai oublié le nom de l'événement. Ça, c'était le printemps 2021. Oui. Puis Exmuro, donc, avec Exmuro, j'ai pu réaliser cette œuvre parce que je devais l'imaginer. Ben, l'imaginer, je l'avais imaginé, mais pour la réalisation, il y a toute la logistique du transport, de la pesanteur et même de la fabrication. Je m'ai mis en collaboration avec Exmuro qui m'a aidé dans toutes ces démarches-là, autant la production, le coulage du béton, la fabrication du moule. Isabelle Frenette, vous devez connaître bien. Oui, c'est oui, une mouleuse. Bon, elle a partie de valises de mes collections personnelles. Puis donc, j'ai pu réaliser 3 moules avec l'aide de ses collaborateurs. D'accord. De ce valise-là. Et qui ont été, qui ont intégré cet événement à Montréal, à Place des Arts. Puis ensuite, ils ont été multipliés et donc finalement, ils ont été intégrés dans le parcours de Passage Insolite à Québec. Mmh. Et donc, ça, pratiquement, c'est ça qui se passait cette année. C'était une contrainte qui finalement a débouché dans une belle collaboration. Oui. Et aussi dans une belle diffusion autant qu'ici qu'à Montréal. C'est vrai. Puis en fait, ce qui est intéressant, c'est que on sait que ta pratique est aussi bien ancrée dans l'œuvre publique permanente. Mais Passage Insolite, pour sa part, c'est un parcours d'art public qui, en bout de ligne, investit la ville pour quelques mois seulement. Donc, j'aimerais peut-être t'entendre aussi là-dessus, sur ce qui t'anime dans la conception d'œuvres publiques qui sont de plus courte durée. Alors, c'est ça mon grand plaisir dans cette démarche de l'art public, parce que même les œuvres pérennes, ils ont aussi un temps de vie qui soit un temps où les œuvres peuvent être oubliées. Et oui. Ils ont aussi un temps de durabilité. Bon, souvent, il faut qu'ils s'accordent avec la durée d'un bâtiment. De vie d'un bâtiment, mais finalement il y a beaucoup de contraintes dans l'art public et pérenne qu'il n'y a pas tellement finalement. Il y en a d'autres contraintes dans l'art public éphémère ou sémi-éphémère, oui. Sémi-pérenne, on va dire comme ça. mais moi je suis vraiment dans cet élan de l'art public sémi-pérenne ou éphémère, même du côté performatif, parce que je les trouve habitée, vivante, elle est toujours réalisée avec des belles collaborations, des gens qui mettent toutes ses capacités et pour la réalisation de ça. Donc ce qui se fait en art public pérenne aussi, mais d'une autre manière, avec des fournisseurs que tu collabores, oui. Mais dans un autre objectif. Il y a aussi la question du passage, mais comme le propre nom dit, passage insolite. Moi, avec l'idée du passage, de prendre les gens par surprise dans leur déambulation, l'idée du parcours, ça m'a toujours plu. Et ça, je peux construire dans mes œuvres d'art public sémi-pérenne ou même éphémère, plus que dans l'œuvre pérenne. Alors, je garde quand même les deux chapeaux parce que je me sens très à l'aise dans l'espace public. Bien sûr, chacun dans ses contraintes propres à niveau de réalisation, mais toujours enrichissant. De l'aspect plus éphémère, je peux dire aussi que ce qui me plaît beaucoup dans ces genres d'interventions est qu'elle apparaît où elle n'est pas attendue. Exactement. Donc, il y a un aspect de la surprise, oui, du hasard. d'une rencontre effective. Oui, tout à fait. Et des fois, une rencontre, c'est, comment je peux dire, qui est plus qu'une rencontre. Mm. C'est de l'ordre d'une découverte. C'est des logs l'interaction aussi, parce que des fois, on tombe dessus sans attendre, bien sûr, mais aussi, on finit par interagir d'une autre manière. Je pense que l'éphémère rappelle cet art de la présence aussi, autant de la pièce en question, mise en espace, qui la présence des spectateurs. C'est vrai. Des gens qui vont la côtoyer. Alors, cet aspect est très important aussi pour moi dans l'art public éphémère. Oui, puis en adéquation avec ce que tu dis, puis en adéquation aussi avec tes préoccupations dans la conception de ton projet, au cours de l'été, en fait, Passage Insolite a intégré le volet Les Embuscades. Oui. Où plusieurs artistes, donc issus des arts multi, du cirque, de la danse, de la musique, du théâtre, ont animé le parcours d'art public avec des performances furtives qui, en bout de ligne, n'étaient pas annoncées aux visiteurs. Oui, tout à fait. Ils ont intégré ce volet-là. J'ai trouvé plus que pertinent parce que ça enveloppe d'autres manifestations, d'autres formes d'expression. J'ai trouvé ça très riche. Oui. Donc, ça enveloppe du vivant, justement, parce exact. Que c'est un art, cet art éphémère, on côtoie strictement le vivant, parce que oui. dès le processus de réalisation, donc où il y a les contraintes des fois qui apparaît instantané, il a des situations qu'il faut régler en dernière minute, ou des imprévus et épouvantables qui sont mis dans le champ. Et puis, il y a toutes ces, comme j'expliquais tantôt, ces relations avec le vivant aussi, on va dire l'œuvre des vivantes, mais avec ce volet que tu viens de décrire, elle est doublement vivante, on va dire comme oui, ça. Oui, parce que dans ton cas, en fait, c'est le collectif en danse contemporaine Le Cru qui a momentanément habité le projet au cours de l'été. Oui. Oui, c'était le groupe Cru. Oui. C'est composé de deux danseuses avec qui j'ai déjà invité exact. Pour une autre collaboration. Et ça a été bien chouette. Et puis eux qui m'ont demandé s'ils pouvaient danser ces pièces qui sont statiques, non, ces pièces lourdes. Et je trouvais très bien cette relation avec le mouvement, parce que bien sûr les œuvres, surtout les valises, sont bien ancrées, ils sont indéplaçables, mais le dialogue avec le mouvement et le corps, il peut amener à une autre dimension, plus imaginaire, et puis ça me plaît tant, autant plus. Oui, et puis en même temps, tu mentionnes les valises qui, par leur matérialité, par le fait qu'elles sont en béton, puis qu'elles sont très lourdes, très denses, elles sont plus statiques, mais en même temps, il y a quelque chose dans cette matérialité-là aussi, parce que comme le modèle de valise utilisé pour le moulage, ben déjà c'est un modèle qui a une grande portée dans notre imaginaire. Là, ça nous rappelle beaucoup plus la valise de voyage que la valise de travail, mais aussi la précision dans le moulage. Ça fait que malgré la froideur puis la lourdeur de l'objet de béton, mais on y décèle encore quand même la souplesse du cuir. Puis il y a quelque chose dans cette familiarité-là du matériau qui invite à la proximité. Mais tout à fait, complètement tactile. Elle est même, on va dire, un spectre oui. tactile de ce qu'on, symboliquement, de nos voyages, de ce qu'on porte, de nos bagages symboliques, autant physiques que plus immatériels, comme la mémoire, par exemple. Donc, ces éléments sont constituants de cette pièce. Puis, le sous-prénommant, le béton, il vient tout mouler, il vient oui. épuiser toutes ces textures de la surface, de ces éléments, même les plis, les poches de nos valises. Donc, ils sont vécus. Tout à fait. Des valises très vécues, très voyagées, finalement. C'est des valises voyagées, tout à fait. Puis en plus, je sais pas si il y a un détail. Bien sûr, ils ont été enlevés par les gens parce qu'ils étaient tout le temps en interaction avec les passants. Ceux qui ont parti avec les étiquettes d'identification, il y en avait des étiquettes avec des phrases bienvenue, qu'est-ce que tu aurais pu amener de plus. C'est vraiment une œuvre qui invite le public à interagir. Là, c'est vraiment une... Mais les gens ont parti, parce que c'est une première fois, donc les gens s'affectionnaient pour ces étiquettes. Oui. Ils ont parti avec les étiquettes. Ensuite, ils voulaient même partir avec la valise. Il y a certains qui ont essayé, mais n'ont pas réussi. Donc, voilà. Donc, ça appelle toutes sortes de... De relations. Oui. Ben, merci beaucoup, Georgia Volpé, d'avoir été avec nous pour cette super entrevue. On aime toujours te recevoir à l'émission. C'est toujours tellement magique de parler de ta pratique, de ta démarche. Donc, l'œuvre de Georgia, donc les valises et les autres œuvres du 8e parcours de passage insolite sont disponibles, visibles jusqu'au 11 octobre prochain. Et Georgia a également un projet. J'ai une exposition individuelle qui s'intitule « Exercice de mémoire » qui est présentée jusqu'au 31 octobre prochain chez Langage Plus à Alma. Donc, peut-être l'occasion de faire un petit road trip jusqu'à Alma. mais merci, c'est toujours un plaisir de vous parler. Merci beaucoup, Georgia. Donc, nous, on se laisse pour une pause audio et au retour, c'est déjà l'agenda de la semaine. Donc, dernier petit segment de l'émission avant de se laisser. Bienvenue à l'aérospatiale. Myriam Leland toujours au micro pour ce dernier segment d'émission. Comme d'habitude, dernier segment, agenda de la semaine. Alors, depuis le 30 septembre dernier, en ligne, il y a l'exposition en réalité augmentée présentée par la Galerie A qui s'intitule « En route vers papier ». Donc, bien sûr, ça fait référence à la foire papier qui, depuis l'année dernière, se déroule aussi en ligne. Oui. Galeria avait fait une exposition justement en préparation à la Foire Papier et refait ça cette année. Qu'est-ce qu'il y a d'autre, Annie, à l'agenda de la semaine? Mais il y a aussi la galerie Alexandre Motulski-Falardeau qui se fait un plaisir de garnir son espace des œuvres de Louis Boudreau cet automne. Donc, c'est du 7 au 31 octobre. L'exposition s'appelle Louis Boudreau au fil du temps. Et puis, ce sera à la galerie du Vieux-Port de Québec. Donc, en fait, ça permet aux amateurs d'art de se retrouver puis d'admirer plus d'une trentaine d'œuvres originales. Ici, différentes séries. Donc, ça couvre la période de 1990 jusqu'à 2020. On parle de dessin, peinture, lithographie, sculpture et puis aussi des lithographies rehaussées du peintre originaire des îles de la Madeleine. Oui, également, on a l'exposition dont on a parlé avec Dany Mascotte en début d'émission. Donc, l'exposition s'intitule « Débris cosmiques, un récit sur l'univers ». Exposition solo de Dany Mascotte, comme je disais, qui est finissant à la maîtrise et s'est présentée à la salle d'exposition des ateliers de la maîtrise au 336 rue Sainte-Hélène. Et s'est présentée du 7 au 17 octobre. L'artiste va être présent sporadiquement dans l'exposition pour pouvoir discuter de ce plutôt gros projet oui. d'envergure pour Dany Mascotte. Et c'est la dernière semaine pour voir projet. Pour voir le parcours à travers les murs. Donc, c'est du coucher de soleil jusqu'à 22h30 dans 4 lieux architecturaux du quartier Saint-Roch où on découvre en fait 4 courts-métrages d'animation qui sont illuminés. Oui, c'est ça. Et les courts-métrages sont la voix qui est attribuée à chacun de ces courts-métrages-là sont des voix de personnes bien connues comme Gabriel Schonk. Il y a également Tire le Coyote. Il y en a 2 autres dont je ne me rappelle pas, mais ça vaut la peine d'aller faire un petit tour. C'est ce soir, la dernière soirée. Donc, en terminant l'émission, mettez-vous une petite laine et allez voir ça dans le quartier Saint-Roch. Donc, c'est déjà ainsi que se termine cette édition de l'Aérospatiale. Comme à chaque semaine, vous pouvez rattraper l'émission en balado-diffusion sur notre page web, l'aérospatiale, ckrl.wordpress.com. Vous pouvez également nous suivre sur notre page Facebook et sur Instagram. Puis, un grand merci à nos invités, donc Dany Mascotte en début d'émission, Georgia Volpe qu'on vient tout juste d'interviewer, ainsi qu'à notre chroniqueuse de la semaine, Elisabeth Girard-Dionne. Et merci à toi, Annie-Charlotte Thibodeau, d'avoir été avec moi. Je suis tellement contente qu'on co-anime ensemble. Ah, c'est la même chose de mon côté. Donc, on se laisse sur un dernier intermède musical, gracieuseté de notre technicien préféré, Simon Roy. Donc, c'est 2 pistes de l'album The White Lotus de Cristobal Tapia de Verre. Et on se dit à la semaine prochaine!